الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. On entre aujourd'hui, inshallah, dans le 11e cours du livre Mi'ata su'alin wa jawabin fil aqidah, 200 questions et réponses dans la croyance. Et la semaine dernière, on s'est arrêté à la question 53. Et en ce moment, on est en train d'étudier des questions au sujet d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'on est en train de voir les piliers de la foi et l'explication des 6 piliers de la foi en détail après les avoir vus globalement. Quand on est entré dans le premier pilier de la foi qui est la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, on a détaillé ce qu'est la foi en Allah. Et on a expliqué que parmi la foi en Allah, azza wa jal, الإيمان بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. La foi en ses noms et attributs تبارك وتعالى. Pour que le musulman ait une foi correcte en Allah عز وجل, il se doit d'avoir une foi correcte en ses noms et attributs. Et Allah سبحانه وتعالى تعرف إلى عباده بذكر أسمائه وصفاته حتى يعبدوه على علم. Il s'est présenté à ses serviteurs en leur expliquant ou en leur citant ses noms et ses attributs pour qu'ils l'adorent avec connaissance. Le but pour lequel tu dois connaître les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pour connaître qui est ton Seigneur. Parce que quand tu connais qui est ton Seigneur, tu vas prendre goût à l'ibada, tu vas prendre goût à l'adoration. Nous aussi, quand on est en train de lire ça, ce n'est pas pour juste pour avoir la théorie et savoir que les choses se divisent en trois ou en quatre, quel est le jugement de telle chose, quel est le jugement de telle chose. Là, ce qu'on apprend ici, c'est pour que ça a un effet, c'est pour que ça a un effet dans la vie de la personne. Et la chose qui fait le plus d'effet dans la vie de la personne musulmane, c'est qu'elle connaisse les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que plus tu connais Allah, plus tu as envie de lui obéir. Et moins tu le connais, plus tu as envie de le désobéir. C'est pour ça que beaucoup de gens désobéissent à Allah subhanahu wa ta'ala et certains même n'arrivent pas à revenir à Allah azza wa jal. C'est pour ça qu'un cœur qui est vide de la connaissance d'Allah azza wa jal, c'est un cœur qui n'a rien. Quelqu'un qui vit sans connaître Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quelqu'un qui a une vie inutile. Il est parti s'occuper et passer la majeure partie de son temps dans des choses futiles ou dans des choses qu'il a cru être importantes, alors qu'il a fait passer en arrière le principal, qui est de connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Et comment on connaît Allah? Par plusieurs façons. Et la plus grande de toutes ces façons, celle qui te mène directement à connaître Allah azza wa jal, c'est de connaître ses noms, ses attributs. Asma'ullah wa sifatuhu azza wa jal. C'est pour ça que les versets dans le Coran, ils sont très nombreux. Les versets qui te parlent des noms d'Allah azza wa jal. Et l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah a dit que les versets du Coran qui parlent des noms d'Allah azza wa jal sont plus nombreux que les versets qui parlent du Jannah. Ils sont plus nombreux et plus importants que les versets qui parlent du paradis, de ce qu'on va manger, boire au paradis, et ils sont plus grands et plus importants que les versets qui parlent de Yawm al-Qiyamah. Alors que vous savez que le jour de la résurrection, Yawm al-Qiyamah, c'est une chose immense dans le Coran. Malgré ça, les versets qui parlent du nom d'Allah, qui nous décrivent Allah Azza wa Jal, sont plus importants que les versets qui nous parlent de Yawm al-Qiyamah. Pourquoi? Parce que la chose qui t'aide à te préparer pour Yawm al-Qiyamah, c'est que tu connaisses Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi tu penses que, des fois, tu es lourd dans ta salat? Pourquoi? Pourquoi tu penses que des fois, tu as du mal à faire des adorations, alors que normalement pour toi ça devrait être facile? Parce que tu connais pas celui pour qui tu fais ça. Et si tu connais celui pour qui tu fais ça, jamais tu vas trouver l'adoration d'Allah lourde. Imagine-toi lorsque quelqu'un te manque, une personne que tu fréquentes depuis longtemps et que tu aimes, et cette personne elle te manque énormément, et un jour tu as rendez-vous avec elle, tu vas y aller avec la plus grande joie. Tu vas même ramener avec toi peut-être un cadeau pour lui faire encore plus plaisir. Et de passer des heures et des heures avec cette personne ne te dérangera en aucun cas. Pourquoi? Ça te fait plaisir, tu connais cette personne. Quel effet tu as quand tu viens à la prière? au rendez-vous avec Allah Azza wa Jalla. On sait tous comment la plupart des gens nous sommes. On sait tous qu'il y a une lourdeur dans le cœur de venir adorer Allah, de venir répondre à l'appel d'Allah Azza wa Jalla. Cette lourdeur, on ne l'a pas quand on répond à l'appel de quelqu'un qui nous invite. On ne l'a pas quand on répond à l'appel de quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Pourquoi ? Les gens se posent la question, comment ça se fait que je trouve lourd l'adoration d'Allah Azza wa Jalla ? La réponse, c'est l'ignorance. Qui est Allah ? Subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça la différence entre le savant et l'ignorant. Ce n'est pas pour rien qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Parmi les serviteurs d'Allah, ceux qui craignent Allah véritablement sont les savants. Pourquoi ? Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma a dit, ay al-ulama bi anna Allah ala kulli shay'in qadir. Les savants cités dans ce verset sont ceux qui savent et qui ont la pleine conviction qu'Allah est capable de tout. C'est-à-dire ceux qui connaissent Allah subhanahu wa ta'ala. Plus tu connais Allah, plus tu prends goût à lui obéir. Et plus tu éprouves de l'aversion à lui désobéir. Subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça le but d'étudier les noms, les attributs d'Allah. Ce n'est pas de savoir que ça se divise en trois ou en quatre et que le jugement de telle et telle chose est interdit, c'est haram, c'est shirk. Ça, c'est la théorie. Mais le but où on veut en venir quand on apprend ça, c'est connaître qui est Allah. Subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il est celui qui t'a créé et qui t'a donné tout ce que tu as. Et sachez que cette science-là, ilm al-asma al-sifat wa fahmuha, ashraf al-ulum ala al-itlaq. C'est la science la plus noble et c'est la meilleure de toutes les sciences. Si tu connais un nom d'Allah, Azza wa Jal, et tu connais son sens et tu le mets en pratique dans ta vie, c'est mieux pour toi que de connaître 500 règles de jurisprudence. Et c'est pour ça que de fiqh. Et c'est pour ça que dans le Coran, dans la plupart des versets où Allah Azza wa Jal nous donne des ordres, Allah termine ces versets en citant un ou deux noms ou plus. Pourquoi ? Quelle est la chose qui va nous pousser à mettre en pratique ces ordres et à délaisser ce qui est interdit dans ces versets ? Ce qui nous cite à la fin. Sachez qu'Allah vous voit. Sachez qu'Allah est puissant. Sachez qu'Allah, si tu sais qu'Allah est puissant, tu vas pas faire de zulm. Dans les versets où Allah Azza wa Jal ordonne à l'homme le comportement qu'il doit avoir avec la femme, à la fin il dit qu'Allah Azza wa Jal, Allahu aliyan kabira. Ça c'est dans un verset où Allah il explique à l'homme comment il doit être avec sa femme. Et Allah est très haut et très grand. Pourquoi Allah il dit ça ? Il est en train de dire à l'homme, tu dois être comme ça avec ta femme. Et si tu crois que parce que tu es l'homme, tu as le droit de lui faire de l'injustice, sache qu'Allah il est plus haut que toi, il est plus grand que toi. Donc cette croyance-là, cette compréhension-là, elle va te pousser à ne pas faire de l'injustice. Et tous les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils te poussent à obéir à Allah azza wa jal. Et sache que toute ibadah, toute chaque adoration que tu fais dans ta vie, chaque chose que tu fais par laquelle tu veux qu'Allah te récompense, eh bien c'est une mise en pratique d'un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. N'importe quelle adoration que tu fais, tu mets en pratique par cette adoration un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si par exemple tu as de la pitié pour quelqu'un parce qu'il est pauvre, parce qu'il est malade et parce que personne l'aide, c'est parce qu'Allah il est rahim et il a mis de la rahma dans le cœur des gens, la miséricorde. Si par exemple lorsque tu vois après la salat, tu vois les gens qui sont en train de faire le tasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah, c'est parce que tu sais que parmi les noms d'Allah, As-Sami' al-Basir. Tu sais que parmi les noms d'Allah, il y a As-Sami' qui est celui qui entend tout. Al-Basir qui est celui qui voit tout. Donc comme tu as cette croyance, qu'est-ce qu'elle a eu cette croyance comme fruit ? Tu as fait du rappel. Quand tu as fait tawba, tu as fait un péché, ensuite tu t'en es repenti. Pourquoi tu t'es repenti de ce péché ? Parce que tu as eu pour croyance que parmi les noms d'Allah, At-Tawwab, qui veut dire celui qui accueille le repentir. Il n'y a pas une ibadah que tu fais sans qu'elle soit le résultat d'un des noms d'Allah. Donc là tu vois que tu ne peux pas te passer de cette connaissance. C'est pour ça que dans les adhkar, adhkar al-sabah wa al-masa, mali'a bi dhikri asma'illah azza wa jal. Les noms, les invocations qu'on fait le matin et le soir, après la salat, avant de dormir, quand on se réveille, quand on sort, quand on rentre, quand on fait du commerce, etc. Ces invocations, elles sont remplies des noms d'Allah. subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que c'est la connaissance d'Allah qui te fait aller vers Allah. Quand tu entends ça, tu comprends combien cette science est importante et à quel point tu ne peux pas ou tu ne peux t'en passer. C'est ça que l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit: كيف ينقذ الزمان وينفد العمر والقلب محجوب من هذا ما شم لهذا رائحة. عليكم السلام. Il a dit: comment le temps peut-il s'écouler et comment les jours ou les années peuvent-elles passer dans une personne qui a un cœur voilé de la connaissance à Allah subhanahu wa ta'ala. ما شم لهذا رائحة. Il n'a jamais senti l'odeur de cette connaissance d'Allah. Ensuite il dit: il est sorti de ce bas monde comme quand il en est entré, ignorant, il ne sait pas ce qui est Allah subhanahu wa ta'ala, wal'iyadu billah. Et dans une autre parole il dit sahibu, il dit hada sha'n, ma'rifatu asma'il azza wa jalla, la connaissance des noms d'Allah, il dit sha'nuhu ajab wa fathuhu ajab, il dit que celui qui a la connaissance d'Allah azza wa jalla, il a une chose étonnante. Il dit قَدْ سُقِيَتْ إِلَيْهِ السَّعَادَةِ وَهُوَ مُسْتَلْقٍ عَلَى فِرَاشِهِ غَيْرُ تَعَبْ وَلَا مَكْدُودٍ وَلَا مُشَتَّتٍ عَنْ وَطَنِهِ وَلَا مُشَرَّدٍ عَنْ سَكَنِهِ. Il dit que celui qui a la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a reçu la joie dans son lit. Pendant qu'il est allongé dans son lit, il est heureux. Il n'a pas besoin de se fatiguer. Pourquoi il dit ça? Parce que la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils recherchent dans ce bas monde, si ce n'est la joie? Pourquoi tu vas te marier si ce n'est parce que tu veux être heureux? Pourquoi tu veux des enfants si ce n'est pour la joie? Pourquoi tu veux travailler? Pourquoi tu veux investir? Pourquoi tu veux faire du commerce? Il n'y a pas une chose que tu fais sans que par celle-là, tu veux quelque chose dans quoi tu vas être heureux. Ibn al-Qayyim rahimahullah, il dit, tu veux la joie? Sache que la plus grande et la véritable joie, c'est de connaître Allah. Et que celui qui connaît Allah subhanahu wa ta'ala, il est heureux même quand il est allongé dans son lit. Il n'est pas expulsé de son pays. Il n'est pas éloigné de sa famille. Il n'est pas fatigué. Il n'a aucune difficulté. Il est allongé paisiblement. Il a la joie. Il a la joie. Et comment on a cette joie-là, cette réussite? Avec la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment on connaît Allah azza wa jal? En comprenant le sens de ses noms et de ses attributs subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'Allah se présente à nous avec ses noms et ses attributs. Si aujourd'hui je te dis qu'est-ce que veut dire le nom d'Allah al-Muqit, qu'est-ce que veut dire le nom d'Allah al-Mu'akhir, qu'est-ce que veut dire le nom d'Allah azza wa jal al-Muqtadir, ça c'est parmi les noms d'Allah. Tu dois connaître le sens des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aujourd'hui on vit dans un monde où tellement l'homme est insouciant qu'il a fait passer ça en arrière. Et il s'est occupé de choses qui lui sont pas du tout importantes, même des fois qui ne le concernent pas. Il passe son temps à regarder les informations et à parler de ce qui se passe dans le monde et dans tel pays. Il ne connaît même pas Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est min kayd shaytan ala l'insan, alaykum salam. Ça fait partie de la ruse de shaytan sur l'homme. Arrête-toi. Arrête de parler de tous ces sujets. Ma ma'na al-muqaddim, ma ma'na al-mu'akhir. Arrête-toi et quel est le sens de ces noms d'Allah subhanahu wa ta'ala? La plupart des gens vont vous répondre: je ne sais pas. Comment tu perds ton temps à t'occuper de choses aussi futiles et les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu n'as pas donné un peu de temps pour t'occuper à les comprendre et à les apprendre. Vous voyez comment Shaitan il essaye d'égarer l'homme en lui faisant passer les priorités en arrière. Et quelle priorité plus grande que la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, comment on connaît les noms et les attributs d'Allah azza wa jal? La réponse, c'est en les lisant dans le Coran ou dans la Sunna ou dans la parole des sahaba radiyallahu anhum. Pourquoi? Parce que les noms et les attributs d'Allah azza wa jal relèvent de l'invisible. Ça fait partie d'une chose qu'on ne peut pas voir. Et on ne peut pas croire à une chose comme ça, aussi importante que ça, sans avoir au préalable une information qui nous vient de qui? D'Allah lui-même, Azza wa Jal, ou du messager d'Allah, alayhi salatu wa salam, parce que, il ne faut pas rentrer, c'est les femmes de l'autre côté. Ah, quelqu'un lui montre. Donc, on ne peut pas connaître les noms d'Allah, Azza wa Jal, si ce n'est dans le Coran, ou bien dans la sunna, parce que quand le messager d'Allah alayhi sallam parle, il parle parce qu'Allah lui a fait la révélation. Et la troisième chose, la parole des sahaba. Pourquoi la parole des sahaba est prise en compte? Parce que quand un compagnon nous parle d'une chose, de l'invisible, إذا تحدث الصحابي في أمر متعلق بالغيب وثبت قوله فلا بد أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أخبره بهذا إذا يقبل قوله. Lorsqu'un compagnon nous parle d'une chose invisible et sa parole est authentique chez les savants du hadith, forcément il a dit cette chose-là après que le prophète عليه الصلاة والسلام lui ait rapporté cette chose ou lui a informé. Donc c'est comme si c'est le prophète qui l'a dit. C'est comme si c'est le prophète al-Sallam qui l'a dit. Donc, où est-ce qu'on puise les noms, les attributs d'Allah? Le Coran, la Sunna, Qawl al-Sahaba, radiyallahu anhum. La bil falsafa, wa la bil aql, wa la bil tafkir, wa la bi ayi shay. Ghayr hadha. Sans philosophie, ou sans réflexion, ou pensée, ou sans utiliser la raison, ou quoi que ce soit. Parce que c'est une chose que tu ne vois pas. Donc, tu as besoin qu'Allah te l'explique. Subhanahu wa ta'ala. La croyance du musulman, la croyance du musulman vis-à-vis des noms d'Allah Azza wa Jal, al-iman bima wasaf Allah bihi nafsahu aw wasafahu bihi rasuluhu alayhi salam fi al-Quran aw as-Sunnah. C'est la croyance en ce qu'Allah, ce par quoi Allah s'est décrit, ou ce par quoi le prophète alayhi a décrit Allah, et comme on vient de voir, les compagnons radiyallahu anhum. Donc, lorsqu'Allah nous donne une information lui concernant, on doit y croire. En évitant quatre choses. On doit croire au nom et aux attributs d'Allah azza wa jal, nu'minu bi asma'illah, wa sifatihi, wa nuthbituha, wa natajannabu arba'ata umur. Et on délaisse quatre choses. لأن هذه الأمور الأربعة كلها ضلال. Car ces quatre choses sont un égarement. La première chose, بلا يعني نؤمن ونثبت أسماء الله عز وجل وصفاته بدون تعطيل. Premièrement. Et je vais le dire les quatre, après je vais les expliquer. وبدون تكييف. وبدون تشبيه. وبدون تمثيل. Quatre choses qu'on doit éviter. La première, at-ta'til. Ça peut être traduit par le fait de renier. De renier les noms d'Allah ou les attributs d'Allah Azza wa Jalla. Je vais les dire les quatre et ensuite les détailler ou les expliquer. La deuxième, wala takif. At-takif, as-su'al, kayf. Kayf Allah, kayf. La deuxième chose, c'est de demander comment. On ne doit pas dire comment est Allah, par exemple. D'accord? La troisième chose, j'ai dit at-ta'til ou at-tashbih. Troisième chose, at-ta'til ou at-takif ou at-tashbih. At-tashbih, c'est le fait de faire ressembler Allah à quelque chose. Wal-iyadu billah. Kaman qal, mathalan, فلان يسمع كسمع الله أو يرى كرؤية الله يبصر كبصر الله هذا شرك بالله عز وجل. Donc la troisième chose, c'est le fait de faire ressembler un attribut d'une créature d'Allah à Allah, comme quelqu'un qui dit que un tel parmi les gens il voit comme Allah عز وجل والعياذ بالله. Ça c'est du shirk بالله, et sachez que ça existe. Donc c'est pas pour rien qu'on apprend ça. Ça existe. As-soufiya, roulat as-soufiya, ceux qui font de l'excès dans le soufisme, cette secte égarée, ils disent de leur shir, innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun, iyadan billah. Ils disent de leur shir que son shir, quand il veut quelque chose, il dit soit pour que cette chose existe. Wal iyadu billah. Wa hadha mawjud kadhalika 'inda shi'a ar-rawafid. والعياذ بالله الروافض والعياذ بالله الجيز وما تسقط من ورقة إلا يعلمها وهم يتحدثون عن شيخهم عياذا بالله الجيز la même chose qu'Allah dit dans le verset. Il n'y a pas une feuille d'arbre qui tombe sans qu'il le sache. Il ne parle pas d'Allah, il parle de leur cheikh. Donc ça existe. La quatrième chose, التمثيل. التمثيل أن تقول التمثيل يعني غير التشبيه. التشبيه أن يقول الظالم المشرك يد الله كيد كذا، سمع الله كسمع كذا. التشبيه التمثيل أن يمثل، يقول يد الله هكذا بدون أن يشبه ولكن يمثل. La quatrième chose, c'est l'illustration. L'illustration, c'est différent de la ressemblance. La ressemblance, c'est de dire que tel attribut d'Allah est comme tel attribut de quelqu'un. Comme l'associateur d'égaré qui dirait que son cheikh, il entend comme Allah entend. Lui, il a fait de la ressemblance. La quatrième chose, c'est l'illustration. C'est d'illustrer comment Allah a cet attribut. Allah entend comme ça, voit comme ça, il illustre, il donne une, il essaie d'expliquer comment, alors qu'on ne doit pas rentrer dedans. Wal-iyadu billah. Et celui qui croit au nom et aux attributs d'Allah Azza wa Jal et qui délaisse ces quatre choses, imanuhu billah Azza wa Jal sahih. Sa foi au nom et attributs d'Allah Subhanahu wa Ta'ala est correcte. Elle est correcte. الله عز وجل أمرنا بإثبات أسمائه وصفاته بدون تشبيه، فقال ليس كمثله شيء، ومع ذلك وهو السميع البصير يسمع ويرى، ولكن لا يسمع ولا يرى كما يسمع أو يرى خلقه أبدا. الله عز وجل nous a dit dans ce verset, et ce verset là c'est une base, قاعدة هذه الآية في باب الأسماء والصفات، قاعدة dans le sujet des noms et attributs d'Allah. Le verset de Sourate Shura, la consultation, Allah dit laysa kamithlihi shay, rien ne lui est pareil ou rien ne lui est semblable. Wa huwa as-sami'u al-basir, et c'est lui celui qui entend tout et qui voit tout. Donc ici Allah Azza wa Jalla nous a demandé ou ordonné et rendu obligatoire de croire qu'il entend et qu'il voit. Et en même temps, le fait que l'on croit qu'il entend et qu'il voit ne doit pas nous faire croire qu'il entend et qu'il voit comme les autres entendent et voient. C'est pour ça qu'il a dit rien ne lui est semblable. Il a commencé par nous purifier ça de la tête. Rien ne lui est semblable, rien ne ressemble à Allah Azza wa Jalla. Et en même temps, on doit croire qu'il entend et qu'il voit. Et ça, c'est la qaïda qu'on doit avoir dans tous les noms d'Allah, dans tous les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَأَنْتَ رَحِيمٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِالْمُؤْمِنِينَ. النبي عليه الصلاة والسلام قال الله فيه وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. Toi, Inch'Allah, tu es miséricordieux. Tu as un peu de miséricorde dans le cœur. Le prophète, alayhi salam, Allah dit à son sujet, il était pour les croyants miséricordieux. Qu'est-ce que tu dois avoir comme croyance? Sa miséricorde, elle n'a rien à voir avec la miséricorde d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Nuthbitu anna Allah rahim, wa anna ghayrahu la yarhamka rahmatihi abadan. On croit qu'Allah est miséricordieux et que autre qu'Allah n'a pas la même miséricorde qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa la nu'attil, et on ne nie pas. Comme on dit, Allah laysa lahu kadha, laysa lahu kadha, laysa lahu yad, laysa la, la yara, la yasma', la yarham, wa la ya'udhu billah. Et on n'annule pas les noms, les attributs d'Allah azza wa jalla en disant que Allah n'entend pas, Allah ne voit pas, Allah ne... On ne peut pas dire ça parce qu'Allah lui-même a dit ça dans le Coran. Donc nous, ce qui nous est demandé, c'est de croire à toutes les informations qu'Allah Azza wa Jalla nous a données, sans dépasser les limites. Comment est-ce qu'on dépasse les limites? Quand on commence à dire Allah est comme ça, Allah est comme ça, Allah est comme ça, et ça c'est interdit par Allah Azza wa Jalla. Le prophète alayhi salam m'a dit لَنْ يَبْرَحَ النَّاسِ يَتَسَأَلُونَ لَا يَزَلَ النَّاسِ يَتَسَأَلُونَ حَتَّى يَقُولُونَ هَذَا اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَمَنْ خَلَقَ اللَّهُ. وهذا السؤال كفر بالله والعياذ بالله. Le prophète alayhi salam a dit, un hadith qui est rapporté par le Bukhari, les gens ne cessent de s'interroger, de se poser des questions jusqu'à ce qu'ils arrivent à dire bon, voilà Allah qui a créé toutes choses. Mais qui donc a créé Allah? Et en disant cette question, il est tombé dans le shirk, wal'iyadhu billah, parce qu'Allah khaliq subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est important de comprendre que quand tu crois au nom d'Allah, ça ne veut pas dire que tu fais ressembler à Allah. عندما تثبت صفة من صفات الله عز وجل ليس معنى هذا أنك شبهت هذه الصفة بصفات خلقه. عندما أثبتت أن الله يسمع ليس معنى هذا أنك قلت بأن الله يسمع كسمع أحد من خلقه أبدا. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وغيره يسمع ويرى ولكن رؤيته قاصرة وسمعه قاصر. وسمع الله عز وجل كامل وبصر الله كامل سبحانه وتعالى. Donc, tu dois croire en ses noms et à ses attributs sans tomber dans ces quatre choses. وَلَا يَجُزُ لَكَ أَن تَسْأَلْ كَيْفِ كيف عندك مثال حصل مع الإمام مالك رحمه الله. Tu n'as pas le droit, alaykoum salam, de demander comment quand tu parles des attributs d'Allah. Et un exemple, c'est une chose qui s'est passée avec l'imam Malik. Un homme est allé voir l'imam Malik et lui a dit: Ya Malik, Ar-Rahman istawa ala al-Arsh, fa kayf istawa. L'imam Malik, un homme est allé le voir et lui a dit: Allah a dit dans le verset, le tout miséricordieux s'est établi au-dessus de son trône, Azza wa Jal. Comment il s'est établi? L'imam Malik rahimahullah ghadib wa kharaja al-araq fa qala al-istiwa ma'lum wal kayf majhul wa su'al 'anhu bid'ah akhrij hadha ar-rajul min bayti aw kama qala rahimahullah. Il a dit, on sait ce que ça veut dire l'istiwa, de s'établir, lan al-istiwa ma'nahu al-irtifa' wal istiqrar wal 'ulu wa su'ud. Fa l'imam Malik rahimallah, il a dit, nous on sait ce que ça veut dire. Al-ma'na na'rif. Al-kayf la na'rifuhu. On connaît le sens, mais on ignore le comment. Et celui qui questionne sur le comment a fait une innovation. Ensuite, il a ordonné aux gens de faire sortir cette personne de chez lui. Après qu'il ait pris la colère et que c'est son visage, il a rougi. Donc, tu comprends que quand on te parle d'Allah, tu comprends qu'il y a un sens. Ce sens, tu le connais. Quand on t'explique qu'Allah Azza wa Jal voit, tu sais ce que ça veut dire voir. Quand Allah Azza wa Jal dit kullu man 'alayha fan wa yaqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram, tout ce qui est sur la terre va périr, seul restera le visage de ton Seigneur plein de majesté. Tu sais ce que c'est un visage, mais tu sais pas comment. Et toi, tu as pour croyance que tout ce qui vient d'Allah comme information, tu as l'obligation d'y croire, mais tu ignores le comment. Fanta ta'rif al ma'na wa tajhalu al kayf. وَأَصْلًا لَا تَحْتَجِ لَنْ تَعْرِفَ الْكَيْفِ تَحْتَجِ لَنْ تَعْرِفَ الْمَعْنَى. Tu n'as pas besoin de connaître le comment, tu as besoin de connaître le sens dans les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'était important à savoir. Tu dois croire au nom d'Allah azza wa jal en évitant quatre choses: التعطيل, un tenfi, la Allah la yarham, la yakhluq, la yarzuq, le fait de nier, tu n'as pas le droit de faire ça. La deuxième chose, التكييف, السؤال, كيف. La yajuz, tu n'as pas le droit de demander comment. La troisième chose, التشبيه, تشبيه الله بخلقه والعياذ بالله. يسمع كسمع أحد والعياذ بالله. وهذا شرك. La troisième chose, c'est de faire ressembler un attribut avec les attributs d'Allah. La quatrième chose, التمثيل, أتقول, المهم التمثيل. La quatrième chose, التمثيل, l'illustration. Que tu dises que tel attribut d'Allah est comme telle et telle chose. Wal'iyadu billah. Ou l'interprétation. Wal'iyadu billah. Hein? L'imagination. Ça rentre dedans. Donc, ensuite, les questions qu'on a vues dans le cours précédent, c'était la question numéro 52 et 53. Et la question 52, elle portait sur les preuves qui nous montre qu'Allah a les noms les plus parfaits. Et on a cité les versets: وَلِلَّهِ الْأَسْمَ الْحُسْنَ فَدْعُوهُ بِهَا. Et à Allah appartient les noms les plus parfaits, invoquez-le donc par cela. Donc Allah nous a informé que ces noms sont les noms les plus parfaits. Subhanahu wa ta'ala. مَا مَعْنَا أَسْمَ اللَّهِ حُسْنَ حُسْنَ مُؤَنَّثْ أَحْسَن وَمَعْنَا أَسْمَ اللَّهِ حُسْنَ أَحْسَن الْأَسْمَ هِيَ أَسْمَ اللَّهِ لِمَاذَا لِأَنَّهَا تَدُلُّ عَلَى صِفَةٍ الصفات وهذه الصفات كاملة لا نقص فيها بخلاف صفات المخلوقين. فالله سميع. Je vais reprendre en français. Allah Azza wa Jalla a dit dans le verset: et Allah appartient les noms les plus beaux ou bien les plus parfaits. Qu'est-ce que ça veut dire les plus parfaits? Les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala sont les plus parfaits parce que chaque nom d'Allah nous indique un attribut et cet attribut est parfait. Il n'a aucun manque et aucun défaut. Les noms d'Allah sont des noms propres et des adjectifs en même temps. D'accord? Les noms d'Allah sont des noms par lesquels il s'est nommé et en même temps ils sont des descriptions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un exemple, lorsque parmi les noms d'Allah tu apprends As-Sami'a. Parmi les noms d'Allah, As-Sami'a. Donc tu comprends, As-Sami'a, c'est-à-dire celui qui entend tout. Tu comprends qu'Allah, il a une sifa qui est As-Sam'a, qui est l'entente, ou bien lui. Il entend tout, subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que ça veut dire les noms d'Allah sont les noms les plus parfaits dans Sami'a, par exemple? Sam'a Allah kamil la naqsa fiha. Ahsan al-Sam'a, Sam'a Allah azza wa jal. Wa Sam'a al-Makhluqin, Va'if wa Naqis. Wa ila al-Halak, wa ila al-Adam. Hada ma'na Asma Allah husna. Le sens que les noms d'Allah azza wa jal sont les plus parfaits, par exemple avec le nom Sami'a. As-Sami'a, c'est un des noms d'Allah qui nous dit qu'Allah azza wa jal a l'attribut de Sam'a. Lui, il entend. D'accord? Il entend. Allah, il entend tout. Et il n'y a aucun son qui l'échappe à Allah. Contrairement à nous. Nous, quand on entend déjà, on entend mal. Si tu as une certaine distance, on ne t'entend plus. Peut-être que la personne a une déficience dans son ouïe. Elle est malade, elle entend mal. Peut-être qu'elle est sourde. Peut-être qu'elle va devenir sourde. Et même si elle entend bien, elle va mourir, elle n'entendra plus. Donc c'est ça qu'on veut dire par les noms d'Allah sont les noms les plus parfaits. Chaque attribut qu'il y a dans les noms d'Allah sont parfaits. Tu peux appeler quelqu'un Karim, quelqu'un il s'appelle Karim, et parmi les noms d'Allah, Al-Karim. فما معنى إذن اسم الله أحسن الأسماء اسم الله عز وجل الكريم يدل على أن الله يكرم عباده إكراما كاملا لا نقص فيه بخلاف المخلوق قد يكون كريما ولكن كرمه فيه نقص وقد يسمى كريما وهو بخيل وقد يسمى عزيزا وهو ذليل وقد يسمى شجاعا وهو جبان وهكذا قد يسمى متوكل وهو لا يتوكل على الله قد يسمى عبد الله ولا يصلي أسماء الله فيها صفات هذه الصفات كاملة Les noms d'Allah sont des noms en même temps qui sont des noms propres et sont des descriptifs, des adjectifs. Chaque nom d'Allah, dedans, il y a une description. Qu'Allah a de la façon la plus parfaite, sans manque. Quelqu'un peut s'appeler Karim, qui veut dire généreux, et pourtant être avare. Quelqu'un peut s'appeler Aziz, qui veut dire fier ou puissant, et pourtant être faible. Quelqu'un peut s'appeler Qadir, wa huwa ajiz. Quelqu'un peut s'appeler capable alors qu'il est faible. Alors que tous les noms d'Allah, forcément, il y a l'attribut dans lequel par lequel Allah Azza wa Jal s'est nommé. مفهوم هذا اسماء الله اعلام واوصاف. يعني في نفس الوقت اسم ووصف. En même temps, ce sont des noms et des descriptions, contrairement à al-makhluq. Donc, les noms d'Allah sont les noms les plus parfaits parce qu'ils contiennent des descriptions qui sont les descriptions les plus parfaites. Subhanahu wa ta'ala. Allah nous a ordonné de l'invoquer par ses noms. Et nous, on a expliqué qu'est-ce que ça veut dire invoquer Allah. Ud'u Allah bi asma'ihi. Ma ma'na hadha? Qu'est-ce que ça veut dire d'invoquer Allah avec ses noms? Qui peut me répondre? Qu'est-ce qui peut me répondre? Par exemple, si on veut demander à Rahman, on dit Ya Rahim. Exactement. Exactement. Ça, c'est un exemple. Donc, دعاء الله بأسمائه أمران الأول أن تسأله حاجة بذكر الاسم المناسب للطلب La première chose c'est de demander une chose dont tu as besoin à Allah en citant le nom qui correspond à ta demande. Si par exemple tu veux demander à Allah la miséricorde, tu l'appelles par son nom qui nous indique qu'il a la miséricorde, Ar-Rahim. Tu dis donc Ya Rahim, Irhamni. Ya Ghaffar, irfirli. Ya Qawi, ansurni. Ya Razzaq, aghnini min al-faqr. Ya Shafi, adhib anni kulla marad. Wa hakala. Tu implores Allah par ses noms qui correspondent à ta demande. Tu veux la guérison, tu demandes à Allah en employant le nom qui nous parle du fait qu'il guérit. Et tu fais comme ça pour l'ensemble des noms d'Allah, Azza wa Jal. Si tu as fait ça, طبقت هذه الآية دعوت الله بأسمائه. Si tu as fait ça, tu as mis en pratique ce verset et tu as invoqué Allah par ses noms. Et la deuxième chose, تطبيق معنى هذا الاسم. أن تعرف ما معنى هذا الاسم فتطبقه في حياتك. La deuxième chose, c'est de mettre en pratique le sens de ce nom. D'accord? Tu comprends le nom, tu comprends ce que ça veut dire, tu dois donc le mettre en pratique. Car كل اسم من اسماء الله له عبودية خاصة به أو عبوديات مختلفة. يعني chaque nom d'Allah, il t'appelle à faire un acte, il t'appelle à faire quelque chose, une adoration. Donc comment tu mets en pratique Ismullah Azza wa Jal al-Ghani? كيف تدعو الله بهذا الاسم ميمون؟ Tu veux demander à Allah Azza wa Jal. Tu sais que parmi les noms d'Allah al-Ghani, qu'est-ce que tu vas dire dans ton dua? Comment tu vas invoquer Allah? كيف تدعو الله وانت تقول يا غني ماذا تسأل؟ Qu'est-ce que tu vas demander à Allah Azza wa Jal? يا غني أغنيني. أيوة. مثلا يا غني أغنيني من الفقر، يا غني اجعلني أستغني من الناس فلا أحتاج إليهم. Tu dis au غني qui veut dire le riche, enrichis-moi et enlève de moi la pauvreté et fais que je me passe des gens parce que c'est toi le riche. Là tu as demandé à Allah en disant le nom Al-Ghani. Comment tu mets en pratique le nom Al-Ghani dans ta vie? Qu'est-ce qui te pousse à faire dans ta vie le nom Al-Ghani? نعم التواضع لله عز وجل والتوكل عليه كل هذا صحيح كل هذا صحيح. نحن قلنا كل اسم له عبودية أو عبوديات كثيرة هذا له عبودية. نعم faire des aumônes. Donc quand tu comprends qu'Allah c'est le Ghani, comment tu vas mettre en pratique ça? التواضع أمام غناء الله عز وجل أن تشعر أن ما عندك من المال إنما محض نعمة الله عليك فلا تتكبر على الآخرين أنك تدري أن الغني يمكن أن ينزع منك هذه الأموال. Donc la première chose, tu as de la modestie envers Allah et tu te sens pauvre devant Allah parce que c'est lui le riche. La richesse que tu as, c'est lui qui te l'a donnée. Donc tu ne pourras pas t'enorgueillir. Deuxièmement, tu vas donner des sadaqas. En donnant des aumônes, tu mets en pratique le nom d'Allah, Al-Ghani, parce que tu as compris que la richesse, elle vient de lui, elle vient pas de toi. Donc en donnant, tu vas pas devenir pauvre, parce que c'est le Ghani qui t'enrichit. C'est pas toi qui t'enrichis tout seul. Tu as dit quoi, chérif? Le fait de faire les asbab pour aller chercher rizq al-halal, la subsistance halal. Pourquoi? Parce que tu sais que quand tu vas aller chercher le rizq al-halal, al-ghani, c'est barik fi rizq. Celui qui est riche, il va te mettre la baraka dans le rizq. Et c'est comme ça pour l'ensemble des noms. فَكَيْفَ تُطَبِّقْ مَعْنَا إِسْمِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الْحَقِّ. Parmi les noms d'Allah, al-haq. Comment tu invoques Allah en disant ce nom-là? كَيْفَ تَدْعُ اللَّهِ بِذِكْرِ هَذَا الْإِسْمِ. Comment tu invoques Allah? Al-haq. C'est-à-dire la vérité. Est-ce que quelqu'un a la réponse? Rapidement. Mimoun. Masha'Allah. Exactement. Par exemple, tu dis à Allah, c'est toi la vérité. Fais que la vérité triomphe et fais que la vérité secours la vérité et les gens qui disent la vraie parole. Et fais que le faux disparaisse. Parce que c'est toi le haq. Donc c'est à toi que je demande de faire que la vérité a le triomphe et que le faux disparaisse. Un autre exemple. Très bien. Les meilleurs exemples, c'est ceux que tu prends dans la sunna. C'est ce qu'il vient de faire le frère. Parce que tu es sûr que tu vas pas te tromper. Tu prends dans la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam, tu es sûr que tu ne te tromperas pas. Et là, par exemple, la parole du prophète alayhi salam dans la vocation ou dans le dua, où Allah montre-nous, fait qu'on voit la vérité et fait qu'on la suive et fait que le faux il soit clair devant nos yeux pour qu'on l'évite. Pourquoi? Parce que parmi nous Allah al-haq, fa taqul ya Allahumma anta al-haq fa arina al-haq haqqan warzuqna ittiba'a wa kadha. Un autre exemple, تقول اللهم قلت في كتابك ادعوني استجب لكم وانت الحق لا تخلف وعدك دعوتك فاجب لي فاستجب لي يا حق استجب لي يا حق. Tu dis oh Allah, c'est toi le haq. Dans le Coran tu m'as dit demande moi et je t'exauce. J'ai été demandé comme tu m'as ordonné. Tu es le haq, tu es la vérité, tu ne trahis pas ta promesse. Donne moi ce que tu m'as promis. D'accord? كيف تطبق في حياتك معنى هذا الاسم ملك comment tu mets en pratique le nom d'Allah al-Haq dans ta vie tu sais qu'Allah Azza wa Jalla c'est al-Haq donc la vérité ça veut dire par exemple tu vas pas mentir la takdhib limadha لأن الله هو الحق فإذا قمت بتجارة لا تغش الناس لماذا؟ لأن الله هو الحق لا يحب الكذب والغش نوع منه donc tu vas être honnête tu vas dire la vérité quand tu vas faire du commerce tu ne vas pas cacher les défauts de ta marchandise et tu ne vas pas mentir tu ne vas pas tricher Pourquoi ? Parce que tu as pour croyance qu'Allah parmi ses noms Al-Haq. Donc ce nom-là, il a eu un impact sur une situation dans ta vie qui est la relation avec les gens, tu vas tout le temps être véridique. Et c'est comme ça pour l'ensemble des noms d'Allah. Donne-moi n'importe quel nom d'Allah. Donnez-moi un nom d'Allah, Azza wa Jal. Salah. Hein ? Parmi les noms d'Allah, Azza wa Jal, Al-Malik. Al-Malik, alladhi lahu. كما قال عز وجل فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون parmi les noms d'Allah عز وجل الملك الملك c'est celui qui a la possession de toutes choses سبحانه وتعالى كيف تدعو الله بهذا الاسم شيخ مولدين أنا أريد أن تجيب عن هذا السؤال بآيات في القرآن بآيات في القرآن تعرفها Donc, moi, j'ai posé la question, comment tu invoques Allah Azza wa Jal en disant ce nom-là, Al-Malik ? Ça, c'est Malik. Hein ? Al-Malik, huwa alladhi yamliku kull shay', walakin Malik huwa al-Rabb. Ouais. Fi farq bayna Al-Malik wa Al-Malik, walakin nahnu al-an tahaddath 'an al-Mulk. Attendez, la question à la Cheikh Mouldi, ça y est, répond là. Je lui ai demandé comment tu invoques Allah avec ce nom-là, Al-Malik. Yani Al-Malik wa Al-Malik wa Al-Malik min asma Allah Azza wa Jal. Kulluha tadullu ala al-mulk, lakin fiha. في المعنى يعني tous ces noms-là c'est des noms d'Allah Azza wa Jal qui nous disent qu'Allah il possède tout il y a certaines différences entre les noms mais de façon globale ça veut dire qu'Allah tabaraka wa ta'ala il possède tout d'accord donc ici Allah Azza wa Jal a dit dans le verset قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء Allah Azza wa Jal ici nous a dit comment invoquer Allah par le Malik et on dit oh Allah c'est toi qui possèdes la royauté Malik al-Mulk tu'ti al-Mulk à man tasha comme ça là wa tanzi'u al-Mulk min man tasha tu donnes la royauté à qui tu veux et tu l'enlèves de qui tu veux wa tu'izzu man tasha Tu renforces qui tu veux, wa tu dhillu man tasha et tu avilis, tu humilies qui tu veux, biyadika al-khayr innaka ala kulli shay'in qadir. Le bien dans ta main, certes, tu as la capacité sur toute chose. Donc quand tu vas demander ça, tu vas dire par exemple al-Malik yaqul Allahumma thabbit mulki ya Malik. مثلا أو أنت تملك أشياء عندك أشياء في البيت. تقول يا ملك ثبت هذه الأشياء لي لأنك أنت الملك. Tu dis, oh Allah Azza wa Jal, c'est toi le Malik, c'est à toi que tout appartient, et moi j'ai des choses, garde-les-moi, préserve-les-moi. Parce que ces choses en vérité elles sont à Allah. Donc tu demandes à Allah, parce que c'est à lui que ça appartient de te les garder. Mafhoum wadih, c'est clair. Kayfa tutabbiq ism al-Malik fi hayatik. Comment tu mets en pratique dans ta vie le nom al-Malik dans ta vie? Tu as compris qu'Allah Azza wa Jal, c'est à lui que tout appartient. فكيف تفعل؟ كيف تطبق هذا الاسم؟ لا تسرف ولا تبذر. لماذا؟ لأن الملك الذي يملك هذه الأشياء لا يرضى عنها. Tu vas pas faire d'excès ou de gaspillage. Parce que ces choses que tu fais, ou cet excès, ces choses que tu jettes inutilement, elles appartiennent à Allah, c'est une amana, tu n'as pas le droit d'en faire ce que tu veux. Donc comme tu as la croyance qu'Allah Azza wa Jal, c'est à lui que tout appartient, tu ne peux pas faire ce que tu veux. هل تستطيع أن تحرق عملة؟ Est-ce que tu peux prendre un billet et le brûler? هذا حرام في الدين. لماذا؟ لأن الملك لا يرضى عن هذا. عز وجل. Donc, est-ce que tu es capable de brûler de l'argent? C'est interdit de faire ça. Pourquoi? Parce que le roi, à qui tout ça appartient, n'agrée pas que tu fasses une telle chose. Donnez-moi un autre nom d'Allah, عز وجل. جبار. Parmi les noms d'Allah Azza wa Jal, Al-Jabbar. D'accord? Al-Jabbar, ou Al-Ladhi lahu Al-Jabbarut. Wa huwa hadha min asma al-Quwwa wal-Azama. Wal-Jalal. Le nom Al-Jabbar, c'est un des noms qui nous montre qu'Allah subhanahu wa ta'ala a la force au-dessus de toutes ses créatures. Subhanahu wa ta'ala. Et la puissance. Donc quand tu connais ce nom-là et que tu comprends ce qu'il veut dire, kayfa tad'u Allah bi hadha al-ism? Comment tu invoques Allah par ce nom? Qui peut me répondre? Ya Jabbar, ihfazni. Mathalan. Ya Jabbar, ihfazni min hadha al-adu al-zalim. D'accord? Ya Jabbar, zalamani wa anta al-jabbar. La ilaha illa ant, ansurni, ajili bin nasr. Tu vas invoquer Allah en disant, oh Allah, c'est toi al-jabbar. Et cette personne m'a fait de l'injustice, cet ennemi m'a fait de l'injustice, il veut me tuer. Et c'est toi, Al-Jabbar. Secours-moi et protège-moi de son mal. Comment tu mets en pratique le nom Al-Jabbar dans ta vie? Non. Hein? Tu ne fais pas d'injustice aux gens. Pourquoi? Hunak Al-Jabbar, a'azam mink. Fa'idha zalamtahu, a'azabak Al-Jabbar. Subhanahu wa ta'ala. Fala tarish an-nas wa la tadhlimuhum wa la tasriquhum wa la tadhribuhum wa hakadha. Donc tu ne fais pas d'injustice parce que tu as pour croyance qu'Allah est le Jabbar. Et comme Allah est le Jabbar, c'est inutile pour toi de faire de l'injustice aux gens parce que le Jabbar se vengera sur toi. Subhanahu wa ta'ala. Et c'est comme ça qu'on fait avec tous les noms d'Allah. Tabaraka wa ta'ala. Et on termine avec un dernier nom. Al-Afu. Hein? Al-Afu. Al-Afu, c'est un des noms d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Wa huwa alladhi ya'fu 'an 'ibadihi wa 'an zallatihim, fala ya'khudhuhum wa la yu'adhibuhum, bal ya'fu 'anhum wa yasfah 'azza wa jalla. Al-Afu, c'est celui qui efface et qui laisse passer les fautes de ses serviteurs. On a fait du zulm, des péchés et des désobéissances, et Allah tabaraka wa ta'ala, il les a effacés. Ça, c'est le nom Al-Afu. Comment tu invoques Allah par ce nom-là? كيف تدعو الله بهذا الاسم؟ لا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. Donc la réponse, tu dis, oh Allah, c'est toi l'Afu, tu aimes l'Afu, tu aimes, c'est toi qui efface les fautes, tu aimes effacer les fautes, efface donc mes fautes. كيف تطبق هذا الاسم في حياتك؟ Comment tu mets en pratique ce nom dans ta vie? Quel effet aura ce nom dans ta vie? Si quelqu'un te fait une injustice ou une erreur dans son comportement avec toi, tu vas lui effacer. D'accord? Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran: فليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. Qu'ils effacent les péchés et qu'ils pardonnent. N'aimeriez-vous pas qu'Allah vous pardonne vos péchés? Ce verset, il a été révélé sur Abu Bakr radiallahu anhu. Avant, il donnait de l'argent à son cousin qui s'appelle Misrah ibn Uthath. Il lui donnait de l'argent. C'était un koufar de Quraysh. Quand les munafiqoun, ils ont accusé Aïcha radiallahu anha de faire de la zina, wal'iyadu billah, cet homme-là, Misrah ibn Uthatha, qui faisait partie de la famille d'Abu Bakr radiallahu anhu, lui aussi il a parlé dans cette histoire. Et il a. Hein? C'est lui qui a dit le premier ça. Non, il fait partie. Minhum. Le premier qui a dit ça, c'est Ras al-Munafiqin. C'est pas lui. Lui, huwa minhum. Al-Muhim, lui, il a parlé dans ça. Quand Abu Bakr radiallahu anhu, il a entendu la personne de sa famille parler, il a dit, Wallah, la unfiq alayh. Il a dit, jure par Allah, je lui donne plus, je l'aide plus, je lui donne plus d'argent. فأنزل الله عز وجل فليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم قال بلى يا ربنا في معنى كلامه نحب أن تغفر لنا فأعاد عليه النفقة. Quand il a entendu ça, Allah dit pardonnez et excusez, n'aimerez-vous pas qu'Allah vous pardonne? Qu'est-ce qu'il a dit? Si Allah, j'aime que tu me pardonnes. Il a continué à lui payer. Après qu'Allah il a accepté la tawbah de ces gens-là. Après qu'Allah azzawajal a accepté le repentir de ces gens-là. Vous avez bien compris? Sachez une chose, c'est que tout ce qu'Allah aime, هو أثر من صفاته سبحانه وتعالى الله عز وجل يحب ظهور صفاته في عباده سبحانه وتعالى الله aime que ses attributs aient une répercussion sur ses serviteurs ولهذا تجدون النصوص في هذا كثيرة vous trouvez beaucoup de textes dans ça إن الله جميل يحب الجمال لماذا يحب الجمال لأنه جميل عز وجل. Certes, Allah est beau et il aime la beauté. Pourquoi? Parce que lui-même il est beau. Inna Allah witr yuhibbu al-witr. Allah est impair, il aime ce qui est impair. Allahumma innaka afuwwun tuhibbu al-afwa fa'fu anni. Oh Allah, tu expies les péchés, tu aimes faire ça? Fais-moi le donc. Tout ce qu'Allah Azza wa Jalla il aime parce que c'est une répercussion ou un résultat de ses attributs. فأنت تدرك الآن وتفهم أنك في أمس الحاجة إلى معرفة الله أنت محتاج إلى معرفة الله عز وجل. Tu comprends le besoin que tu as de connaître Allah et que tu ne peux pas te passer de la connaissance d'Allah سبحانه وتعالى. Et c'est pour ça que les gens ils désobéissent à Allah parce qu'ils ne connaissent pas Allah. Regardez ceux qui connaissent Allah et regardez ceux qui ne connaissent pas Allah et vous allez voir directement la différence. ما الفرق بينهم معرفة الله والجهل بالله celui qui connaît Allah et celui qui est ignorant d'Allah تبارك وتعالى. نعم. C'est le sens de la parole où Allah عز وجل dit que les ignorants ne sont pas pareils aux savants. Et donc dans la question 53 qu'on avait fait la semaine dernière, on avait vu un exemple de certains des noms d'Allah qu'Allah a mentionné dans le Coran. Dans la question 54, c'est la question d'aujourd'hui. السؤال الرابع والخمسون ما مثال الأسماء الحسنى من السنة. Donc des exemples des noms d'Allah venus dans les hadiths du prophète alayhi salat wa salam. Al jawab مثل قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. Donc un des exemples des hadiths dans lesquels on voit des noms d'Allah Azza wa Jal, le hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et c'est l'invocation du du'a al-karb que vous trouvez dans le Sunan Muslim, l'invocation de l'affliction ou de la tristesse. Quand tu es triste, qu'est-ce que tu dis? Tu invoques Allah avec ses noms. Qu'est-ce que tu dis? La ilaha illallah al-azim al-halim. Qu'il n'y a pas de divinité à part Allah qui mérite l'adoration et que Allah Azza wa Jal huwa al-azim al-halim tabaraka wa ta'ala. Al-azim c'est un des noms d'Allah qui veut dire qu'il est immense dans tout et qu'il n'y a rien de plus immense qu'Allah, que la parole d'Allah, que la promesse d'Allah, que les ordres d'Allah, que le livre d'Allah, que tout ce qui vient d'Allah est immense subhanahu wa ta'ala. Halim, al-Halim huwa alladhi yu'ti li'ibadihi fursa hatta ya'udu wa yatubu fala ya'khudhuhum al-an wa la ya'adhibuhum al-an bal yasbir subhanahu wa ta'ala. Al-Halim c'est l'indulgent, celui qui laisse du temps à ses serviteurs qui ont commis des péchés, il leur laisse le temps de revenir. C'est pour ça qu'Allah a dit وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤ سكون لا ها non c'est il y a en fait il y a plusieurs versets. أعد بداية الآية يعني الآيات كثيرة. أنا خلت في الآية في سورة الكهف الآية من البداية. وربك الغفور ذو الرحمة لا يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب. جزاك الله خير. هذا في سورة الكهف الله عز وجل يجي وربك الغفور ذو الرحمة et ton Seigneur est pardonneur et miséricordieux. لو يؤاخذهم بما كسبوا لو يعذبهم بسبب ذنوبهم. S'il les reprend à cause de leurs péchés, لا عجل لهم العذاب. Il les aurait châtiés rapidement. فلماذا لا يعجل لهم العذاب؟ لأنه الحليم. والحليم من هو؟ هو الذي لا يعجل لعباده العذاب فيترك لهم فرصة حتى يعودوا إلى ربهم عز وجل. Donc Allah est indulgent. Il dit dans le verset que s'il nous châtie à cause de nos péchés, il se serait empressé de nous punir. Donc pourquoi il ne s'empresse pas de nous punir? Parce qu'il est halim, il est indulgent. Il nous laisse le temps de se corriger. À la Kulihal, on ne va pas expliquer tous les noms qui sont dans les hadiths là. Ensuite, la ilaha illallah, Rabbul Arshil Azim, la ilaha illallah, Rabbul Samawat, wa Rabbul Ard, wa Rabbul Arshil Karim. Donc dans ce hadith, il y a des noms d'Allah. Allah, Al-Azim, Al-Halim, Al-Rabb, Subhanahu wa Ta'ala, wa Al-Karim. Donc il y a tous ces noms. Aussi, قوله sallallahu alayhi wa ala alayhi wa sallam, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Dhal Jalali wal Ikram, Ya Badi' al-Samawati wal Ard. Aussi dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoque Allah en ces termes: Ô toi Al-Hayy, qui fait partie du nom d'Allah, qui veut dire qu'Allah a la vie parfaite, Al-Qayyum, wa huwa al-qa'imu bi nafsihi al-muqimu li ghayrihi, la yahtaj ila ahad, wa kullu ahad yahtaj ilayhi, Dhal Jalali wal Ikram, Al-Jalal hiya al-Azama, wal Ikram ma'ruf, Badi' al-Samawati wal Ard. Donc dans ce hadith là il y a des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Dans ce verset aussi, dans ce hadith, وهذا من أذكار الصباح والمساء, ومن قال هذا الذكر أو الدعاء ثلاث مرات عصمه الله عز وجل من كل سوء. Celui qui dit cette invocation trois fois le matin et le soir, Allah le préserve de chaque mal. Donc on a vu des exemples encore. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه. Aussi ce hadith il est authentique, dans lequel le prophète alayhi salam invoque Allah avec cette dua ou cette invocation. وهذه الأسماء في هذا الدعاء تسمى بالأسماء المضافة. هناك أسماء مفردة الله حي قيوم وأسماء مضافة فاطر السماوات والأرض و عالم الغيب والشهادة. فلا تقول من اسم الله عالم, تقول عالم الغيب والشهادة. على كل حال, tout ça fait partie des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a certains noms qui sont cités seuls et d'autres qui sont annexés. Les noms qui sont cités seuls, un exemple, Al-Khaliq, le créateur, Al-Razzaq, le pourvoyeur, et des noms qui sont annexés, c'est-à-dire des noms qui doivent être cités accompagnés de quelque chose, avec quelque chose, comme ici عالم الغيب والشهادة, celui qui connaît l'invisible et l'apparent. Ici on doit dire عالم الغيب والشهادة, on ne doit pas dire عالم. عالم من الاسماء المفردة, عالم الغيب والشهادة مضافة سبحانه وتعالى. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل شيء من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء. Donc cette invocation, c'est le Coran. Il y a هناك رواية مع الفرقان وروايات أخرى مع القرآن. والقرآن والفرقان نفس الشيء. المقصود بالفرقان هو القرآن. Donc ce hadith là, le prophète عليه الصلاة والسلام dit dans le hadith, على كل حال, c'est un hadith où il invoque Allah عز وجل en lui disant que qu'il est le Seigneur des sept cieux et qu'il est le Seigneur de l'immense trône, le Seigneur de toutes choses, celui qui fait sortir la graine et le noyau de la terre, celui qui a fait descendre la Torah, l'Injil et le Coran, dans l'autre riwaya al-Furqan. Ensuite, il demande à Allah de le protéger contre tout mal, en disant des noms d'Allah Azza wa Jal. Donc dans ce hadith, il y a beaucoup de noms d'Allah. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن. Dans ce hadith, le prophète عليه الصلاة والسلام faisait cette invocation عند قيامه في الليل عندما يقوم لله عز وجل يستفتح بهذا الدعاء. Il invoquait Allah en ces termes lorsqu'il se levait la nuit pour prier, en disant qu'Allah Azza wa Jal est la lumière des cieux et de la terre, et qu'à lui revient la louange. Donc dedans il y a des noms d'Allah. Minha nuru samawati wal ard, wa minha qayyum samawati wal ard. Et le nom al-nur, les savants ont divergé. Hal huwa min al-asma al-mufrada aw al-mudafa. Fahal naqul min asma Allah al-nur أو نقول نور السماوات والأرض على قولين. Les savants ont deux paroles sur cette parole. Est-ce que nour c'est un nom d'Allah qu'on cite seul ou bien on l'annexe à quelque chose d'autre comme dans le hadith ici, la lumière des cieux et de la terre? Les savants ont divergé sur ça. L'imam Ibn Qayyim rahimahullah, Ibn Taymiyyah rahimahumullah ont pour avis qu'on peut dire nour min asmallah mufrad, on peut dire le nom d'Allah nour unique. Et d'autres savants ont vu que il n'est pas, on ne doit pas dire nour, on doit dire nour samawati wal ard, subhanahu wa ta'ala. Parmi eux, l'imam Ibn Baz rahimahullah, dans le sharh de Kitab Tawhid d'Ibn al-Khuzaymah, quand il a expliqué le nom d'Allah nour, il a été questionné, est-ce qu'on peut dire nour seul ou bien annexé à quelque chose? Il a dit non, on doit le dire annexé. Ensuite la personne lui a dit, mais l'imam Ibn al-Qayyim et Ibn Taymiyyah ont dit qu'on peut le dire ça. Il a répondu qawluhum ala khilaf al-dalil, wallahu a'lam. Il a dit leur parole contredit les preuves. Quoi qu'il en soit, nur samawati wal ard. Wa qawluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Le hadith هذا صحيح. Ce hadith est authentique. Le prophète عليه الصلاة والسلام invoque Allah en disant des noms parmi ceux-ci: Allah, والأحد, والصمد. هل نقول أنت من أسماء الله؟ هنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لا إله إلا أنت. هل يجوز لنا أن نقول أنت من أسماء الله؟ Est-ce qu'on a le droit de dire que أنت fait partie des noms d'Allah, en sachant que le prophète alayhi salatu wassalam a dit la ilaha illa ant? Non. La. Sahih. Limada? Idha ajabt, barakallahu fik. Dahiman anta, c'était suivre par un autre nom d'Allah. La ilaha illa anta, al-hayyul hayyul. C'est pas le jawab. On n'a pas le droit de dire anta min asma'illah. Pourquoi? Hein? Comment ça? On peut dire non plus. Bah non, anti, c'est pas anta. Non. Qu'est-ce qu'elle répond? Parce que c'est par rapport à ce qui est ses créatures, non? Pourquoi ses créatures, non? Parce que quand tu dis Enta, c'est par rapport aux créatures, alors qu'Allah Azza wa Jalla il dit qu'il n'en semble rien. Non, c'est pas la réponse. Pourquoi on ne peut pas dire Anta min Asma'illah? Pourquoi? C'est pas ça la réponse, mais. هذا مذكور في الحديث لا إله إلا أنت ولكن أنت ليس من اسم الله لماذا؟ Pourquoi أنت سبحان الله عز وجل؟ ça représente pas une sifa. Hein? Ça représente pas une sifa. كيف؟ لأن أنت اسم وليس محروم بصفة. هذا هو. هذا هو. أنت ليس فيه صفة. ونحن قلنا أسماء الله حسنى. كل اسم من اسماء الله فيه صفة وهذه الصفة كاملة أنت ليس فيه صفة أنت يبقى صفة عندما أقول كريم أفهم أنك عندك الكرم عندما أقول أنت ما أفهم شيء أنت كبير صغير كريم أنت أعمى يعني ما نفهم شيء فلا نستطيع أن نصف الله بهذا الاسم أنت مفهوم أنت dedans il n'y a rien ça veut dire toi. Et tous les noms d'Allah Azza wa Jal ont un adjectif, un attribut. D'accord? Anta, il n'y a pas d'attribut dedans. Toi, quand je dis toi, je ne comprends aucun attribut. Je ne comprends pas que tu es grand, que tu es petit, que tu es généreux, que tu es avare, que tu es rapide, que tu es bavard, que tu vois, que tu es aveugle, je ne comprends rien. Et les noms d'Allah, forcément, on doit comprendre quelque chose. Donc Anta ne fait pas partie des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا مقلب القلوب في الحديث المعروف ثبت قلبي على دينك. Et aussi parmi les noms d'Allah qui sont annexés l'asma al-mudafa مقلب القلوب فلا تقول المقلب تقول مقلب القلوب. Tu dois dire celui qui détourne les cœurs. ثبت قلبي على دينك. لماذا ما قال النبي عليه الصلاة والسلام يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. الجواب لأن التثبيت بعض التقليب شيء جزء من التقليب يا مقلب القلوب الذي يقلبهم إلى فعل الطاعات أو يقلبهم عن فعل الطاعات حتى يعصوا الله عز وجل يقلب يجعل هذا القلب مطيعا وهذا القلب عاصيا ثبت قلبي أنا على دينك إذا قلت يا مثبت القلوب معنى ناقص وقال القفة عليه الصلاة والسلام أتي مقلب القلوب celui qui retourne les cœurs il n'a pas dit يا مثبت القلوب celui qui raffermi les cœurs dans la vocation dans laquelle il demandait tout le temps à Allah de l'aider à rester ferme dans sa religion en ces termes oh Allah toi qui détourne les cœurs raffermis mon cœur dans la religion. Pourquoi il n'a pas dit oh Allah toi qui raffermis les cœurs raffermis mon cœur dans la religion? La réponse est parce que raffermir les cœurs c'est que dans une chose, dans la vérité, dans l'obéissance d'Allah. Et Allah Azza wa Jal n'a pas que cette chose là il peut raffermir ton cœur et il peut égarer ton cœur aussi si sa sagesse appelle à ça ou implique cette chose là donc le prophète alayhi salam sallam il dit ya muqallib al qulub ثبت قلبي على دينك. Ô toi qui détourne les cœurs, raffermis mon cœur dans ta religion. Il reste combien de temps? Ça y est, voilà. Ah, comme dans Allah, ma chère. Donc, à la coulée hal, on continue la semaine prochaine, inshallah. Barakallahu fikum, Allahu alayhi wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.